Viens pas mettre le nez dans mes affaires. Mon rap prend de la protéine, soulève là les haltères. Je fais des dons d'urine, sur la France entière se désaltère. L'Afrique c'est la terre, à leur santé je déblatère. Portuaire et la rivage, le paysage est mortuaire. En banlieue mesdames messieurs, on fait dans la camel sportswear. On me duplique au marché Malik, me clique sur internet. Ce son c'est ma manière de dire, d'aller niquer ta mère. DMC en millions de pixels, le soir sur XXL. T'es assis négro, ça va du 4X au 6XL. Tu voudrais nous chier dessus, devenir officiel. Tes grosses merdes se coupent en deux et c'est sans ton string ficelle. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser. Te déraciner, te décalciner. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, man. Te déraciner, te décalciner, ok. Un okay. Bon joint du 9-2, yak, ma libido est brusqué. Je compose un numéro, glisse entre une paire de cuisses musclées. Ici on est tranquille, loin de tout parasite. Baby, fais-moi la bise, puis suce-moi la bite. Ok, je suis vulgaire, les bourgeons chopent des ulcères. Quand ils écoutent, ce qui sort de ma bouche, c'est le son dangereux du terre-terre. Sonnant à fond, intérieur cuir noir, boîte séquentielle. Pour écrire, il me faut du shiznit, la drogue m'est essentielle. On est venu cracher notre haine, faut que la SDRM haute scène, ça vend du seum, car c'est le cash qu'elles aiment. J'étais là bien avant Break Street, sans limite, comme dans GTA. Je représente la banlieue comme un Greg Fried. Du beef, rien ne change à part mon bling bling. OP, je suis dans le coin VIP, du coin VIP. Je prends une cut sur les coups, clac clac 92. C'est pour les loups, les loups, les oufs et les you. Je peux pas rivaliser, on va te dévaliser. Te déraciner, te décalciner. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, man. Te déraciner, te décalciner. Ok, ok, fumer mes confrères, je n'ai que ça à faire. Les humilier, balayer, ravager, tabasser, voyager en classe à faire. Toute l'équipe à Sarko, je la ferai bien tapiner. Au micro, je suis un des négros les plus raffinés. Je fais du son à la Kurt Cobain, son à fond dans la mer Cobain. Pour toi, c'est fini de m'entailler, Kini, je te baisse. Les clochards vendent des copies de mon nouvel opus. Prennent le bus pour aller sucer au marché, au bus. C'est pour les enfants terribles qui ne font aucun effort. Au parcours comme une queue de négro, long et pénible. Que le prochain fils de lâche qui veut me clash vienne me le dire en face. P2OP, armes, drogue et cash, personne ne le remplace. Je veux pas rivaliser, on va te dévaliser. Te déraciner, te décalciner. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, man. Te déraciner, te décalciner. Ok, ok. Te déraciner, te décalciner, tu peux pas.